Chapitre 12. Le mécanisme de la disqualification. Dans certains milieux évangéliques, des leaders qualifient de gomboïstes les musiciens qui réclament un salaire. Ce mot en argot ivoirien désigne l'appât du gain, la recherche d'un profit opportuniste. Il est péjoratif par construction. Il transforme une revendication de droit en un aveu de cupidité. Ce mécanisme mérite d'être examiné avec précision. La disqualification catégorielle du travail musical. Quand une institution rémunère sans débat le menuisier de l'estrade, le technicien de la climatisation, le prestataire en communication et refuse de rémunérer le musicien qui joue lors des cultes, elle opère une distinction catégorielle. Elle décide que certains actes sont des travaux méritant un salaire et que d'autres sont des services spirituels devant être offerts gratuitement. Le critère n'est pas la quantité de travail fournie. Un musicien qui répète 3 fois par semaine fournit plus d'heures que bien des prestataires payés. Le critère n'est pas la qualification requise. Maîtriser un instrument à haut niveau demande plus d'années de formation que la plupart des compétences ordinairement rémunérées. Le critère est ailleurs. Il est dans la possibilité de sacraliser l'acte pour le soustraire au droit ordinaire du travail. Une fois l'acte musical qualifié de ministère, de louange, d'adoration, toute demande de rémunération n'apparaît plus comme l'exercice d'un droit. Elle apparaît comme une profanation d'un acte saint. C'est le tour de passe-passe central de ce système. La preuve par l'absurde. La logique institutionnelle se retourne contre elle-même dès qu'on l'observe attentivement. Les chantres et prédicateurs invités, les pointures du circuit évangélique, touchent des cachets, parfois substantiels, et personne ne les qualifie de gomboïstes. La différence n'est donc pas entre l'argent et la foi. La différence est entre ceux qui ont suffisamment de pouvoir de négociation pour imposer leur prix et ceux qui n'en ont pas. La frontière entre le sacré et l'argent n'existe à l'évidence que pour les sans grade. C'est une frontière de pouvoir, pas une frontière théologique. Le droit inaliénable au questionnement, chakar. Face à ce mécanisme, le croyant a non seulement le droit mais le devoir d'exercer son esprit critique. L'hébreu a un mot pour cela, chakar. Ce terme, souvent traduit trop doucement par « sonder », décrit une investigation rigoureuse, l'acte de creuser jusqu'à la roche mère, de forer jusqu'à la vérité fondamentale d'une affirmation. Proverbe 25:2 pose une équation remarquable. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder, chakar. L'investigation n'est pas une rébellion. C'est la marque de la maturité. Les croyants de Béret dans les actes 17-11 sont qualifiés de plus nobles, précisément parce qu'ils examinaient, anacrino, chaque enseignement à la lumière des textes. La noblesse spirituelle est critique, pas docile. Leçon 12. Le terme gomboïste est une arme rhétorique qui transforme l'exercice d'un droit en aveu de cupidité. La frontière entre le sacré et l'argent n'existe dans les institutions que pour les sans grade, pas pour les artistes invités qui négocient leur cachet. Le questionnement de cette logique, chakar, est une noblesse spirituelle, pas une rébellion.